Selon la radio CBS de Corée du Sud du 15, les troupiers américains occupant la Corée du Sud ont perpétré la contrebande de drogue équivalent à des dizaines de milliards de won via deux boîtes postales militaires individuelles.